On the Rocks, c'est une émission vraiment pour le peuple. On the Rocks, même à l'envers, On the Rocks, on peut la faire. Rock, pop, folk, radio show depuis 1992. www.onzerocks.net. Ouais! Quelqu'un mette tout à fond, que je vous fais chier à laisser vos merdes. Qu'est-ce que tu crois que ça va être? Tout à fond! Le rock, c'est tout à fond! Rock and roll. I'm the gun, I think so. On the rocks. Rock and roll. Oh, j'ai une pêche, les gars. Wouh! Les voix de Catherine Ringer et de Arthur H vous accueillent comme tous les lundis soirs de 19h à 20h30. C'est On The Rocks, c'est Manu, bonsoir pour la 31e saison d'On The Rocks. Émission diffusée sur le 96.2 de Radio Arc-en-Ciel, mais également sur ontherocks.net, en direct sur le site de Radio Arc-en-Ciel, en rediffusion sur ZF Ablo. Enfin, vraiment, on peut l'écouter où on veut, quand on veut. Et ce soir, ça va être une émission assez tranquille. Pour commencer, je vais vous emmener en Suède avec le coup de cœur ce soir. Il s'appelle Benjamin Gustafsson. Il vient de sortir un bien bel album avec une très belle pochette également. Ça va donner un petit peu le ton de ce soir, c'est-à-dire mid-tempo, tranquille, pour se reposer après le boulot, pour se détendre. C'est très bien. Et si vous écoutez ça en différé, ben peut-être en nocturne, ça peut être aussi très très bien. Voici le coup de cœur ce soir, Benjamin Gustafsson. Ça s'appelle Moments Flow Upwards et c'est dans The Rocks. Share all your emotions. Be delicate girl, not so delicate anymore. Dirty ribbons in her hair and a torn up pinafore. Untied shoes and eyes are blankly stared. Valued only for her beauty, now no one seems to care. Born into the shadow of what was before. Did every task and every ask, but what was it all for? Never measured up, always fought out of place. But listen, my delicate girl, don't show it on your face. You selected your toes to carve out a form. You taught her how to act and speak and how to perform. Yeah, she was just a prop in your play of a life. But porcelain does fade in sunlight. Alive, delicate girl, oh, she bends and she breaks. Kept tightly in a box or simply propped up on display. Saturated ink, carefully spelling out her name. The one she never chose, but the one that will remain. You selected your tools to carve. You taught her how to act and speak and how to perform. And she was just a prop in your play of a life. But porcelain does fade. Porcelain does fade. Porcelain does fade. Alors là, dans The Rocks, on peut pas être plus à la pointe, puisque cette chanteuse qu'on vient d'entendre et qui a une voix qui, moi, m'enchante, s'appelle Izzy Taylor. Et ce morceau qui s'appelle Delicate Girl est son premier single. Voilà, elle n'a sorti qu'un seul morceau, début septembre, il y a 10 jours. Et donc, ben voilà, c'est vraiment magnifique. Delicate Girl, c'est aussi le coup de cœur ce soir dans The Rocks. Et puis juste avant, c'était le Suédois Benjamin Gustafsson avec Moments Flow Upwards. On va continuer un petit peu dans la même lignée de morceaux qui va vous caresser dans le sens du poil ce soir dans The Rocks. Pour ceux qui ont des poils, ceux qui se sont épilés, tant pis pour eux, avec une chanteuse qui s'appelle Ibadet Ramadani. Elle est berlinoise, elle est allemande, et elle était à la tête d'un groupe qui s'appelait Super 700, voilà, qui a été formé en 2003. Et bien là, elle vole de ses propres ailes, et elle a bien raison, puisque ce morceau est aussi magnifique. Ça s'appelle Forest. Si je le cale, c'est mieux, parce que je vous en parle, mais si je le cale pas, je pourrais pas le lancer. Ça s'appelle Forest, c'est aussi une nouveauté dans The Rocks. Retenez bien son nom. Après Izzy Taylor, et retenez bien aussi son nom, voici Ibadet Ramadani dans The Rocks avec le morceau Forest. Soft green grass paves the way into the forest, where she waits with a smile and kindly invites you in. Soft and clear is her voice when she says only summer knows what I've planted in my garden and the beauty that grows. How as I stumble inside the branches of the forest are coming alive. Have you ever been in darkness, she asks. Did you ever lose your mind? Have you sailed the mighty ocean till the end of time? She sees your fears and she knows, won't take your cries and woes. the smile on her face. Come back another day. Oh, as I stumble outside, the branches of the forest are coming alive. I was a child, I was a wife. And now that I've seen darkness, I've come to see the light. Oh, as I stumble inside, the branches of the forest are coming alive. pratiquement que des nouveautés ce soir dans The Rocks. Vous êtes gâtés. Vous avez d'abord eu Ibadet Ramadani. J'espère que vous avez aimé ça avec Forest. Et puis à l'instant, c'était Anne Passeo avec Wide Awake, son dernier morceau. Anne Passeo, c'est une batteuse. Je ne sais pas si on dit comme ça. Oui, une batteuse de jazz. Et autre musique absolument phénoménale et qui se met au chant et sort ce morceau. Et elle a bien fait de se mettre au chant puisqu'elle chante très très bien. Ce morceau a été produit par quelqu'un qu'on connaît bien qui s'appelle David Walters, qui était à Hop Hop Hop en concert samedi. Bah oui, je vous avais annoncé une petite interview de David Walters. C'était dans les tuyaux, c'était prévu, c'était OK sur le principe. Et puis, ben voilà, l'heure n'était pas déterminée. Et puis, il fallait que je me pointe. Alors lui, il a joué de 18h30 à 19h30. Il fallait que je sois dispo entre 21h et 22h, voir s'il avait envie de faire l'interview. Et puis, au bout du compte, eh bien non, il n'avait pas envie de faire l'interview. Donc, c'est un peu dommage. Vous n'aurez pas d'interview de David Walters dans The Rocks. Mais c'est pas grave, je suis pas fâché. Puisque je le diffuse ce soir. D'abord, c'est lui qui produit ce morceau d'Anne Passeo, qu'on vient de se passer. Et puis, on va se passer un morceau du dernier album de David Walters, qui est un album assez éclectique, où on retrouve un peu sa patte et dans tout ce qu'il a fait. Ça s'appelle Soul Tropical. Alors, c'est un peu inégal. Il y a des morceaux qui sont vraiment fantastiques, et puis il y en a d'autres qui sont un peu plus dispensables. Et sur deux morceaux, il retrouve ses anciens, enfin ses anciens, mais en tout cas ses complices Vincent Segal et Balaké Sissoko, avec qui il a enregistré un album de musique de reprise acoustique qui s'appelle Nocturne et qui lui va très bien. Et bien, on retrouve ses complices sur deux morceaux qui sont peut-être les deux meilleurs morceaux de l'album. En voici un, ça s'appelle Anne Lotte Soleil, c'est David Walters, et c'était un très très bon concert à Hop Hop Hop que ce concert de David Walters. Il y a même une jolie chenille spontanée. Voilà pour le reste de la programmation d'Hop Hop Hop. Sur ce que j'ai vu, ça sera pas une édition qui restera dans mes mémoires, et on va guetter la prochaine édition avec impatience. Alors c'est toujours un challenge de programmer un festival. Pour moi, cette fois, c'est un peu un petit coup un peu décevant, mais on verra l'année prochaine. Et en tout cas, la programmation de l'Astrolabe qui programme ce festival, la programmation de l'Astrolabe à venir est, elle, très très alléchante. Voici David Walters, Balaké Sissoko, Vincent Segal avec Anne Lotte Soleil, et c'est tiré du dernier album studio de David Walters. Le corps en flamme ne résiste pas. J'ai fait

Sometimes when you start to lose your mind, just grab your sister's hand and fly together. Black Puma, show 'em how. The bluebirds fly together. Retour qui fait bien, bien plaisir. Là aussi, c'est les Black Pumas qui reviennent avec ce morceau More Than a Love Song, bien plus qu'une chanson d'amour. Et c'est vrai que c'est bien plus que ça. C'est le groove, c'est la soul des Black Pumas. J'ai hâte de les voir en concert, ces jeunes gens. Il paraît que c'est très, très bien. Mathieu Dufault à l'Astro, peut-être un jour, les Black Pumas. Et puis juste avant, c'était David Walters avec Un Lot Soleil, que je prononce vraiment très, très mal, puisque les Delgrès me l'avaient confirmé lors de l'interview qu'ils m'avaient accordée. J'ai un accent créole à se jeter par la fenêtre du rez-de-chaussée. Voici donc la suite des aventures du groupe Bahamas qu'on s'est pas mal diffusé dans The Rocks, et bien ils reviennent toujours avec ce son très chaud, très enveloppant, et qui nous donne envie de repartir en vacances illico. Ça tombe bien, j'en ai très très envie. Bahamas donc, c'est encore une nouveauté, vous avez bien de la chance, ça s'appelle I'm Still. Been that bad. My life ain't so sad. Si on est content de les retrouver, c'est les Wilco qui reviennent avec leur style assez inimitable et cette voix qu'on reconnaît entre mille. Ils ont jamais fait vraiment de mauvais albums, Wilco, donc on est bien content. Le morceau s'appelle Cousine. Et avant c'était Bahamas avec I'm Still. Y en a qui font des chansons sur leurs cousins et d'autres qui font des chansons sur leurs chiens. Leur chienne, enfin je ne sais pas. C'est le cas de Brett Denen, vous savez que c'est un artiste que je suis depuis bien longtemps, cette espèce de grand échalas rouquin avec des grosses lunettes et un bandeau de basketteur sur la tête, et qui est capable de sensibilité absolument délicieuse. Eh bien, il revient avec ce morceau qui s'appelle The Ballad of Lily and Tress. C'est pas ce qu'il a fait de mieux, c'est assez produit, mais c'est quand même bien de retrouver Brett Denen, ça me fait toujours plaisir. Et puis un gars qui écrit une chanson d'amour sur ses chiens, c'est quand même pas mal, et il n'y en a pas tant que ça. Donc c'est dans The Rock, c'est une nouveauté. Voici la ballade de Lily et de Tress. Thank you. I'm hungry, soon it Vous y étiez là, hein. Vous y étiez en même temps que moi là, ça faisait très West Coast, on y était là, avec les palmiers, voilà, les gars bodybuildés qui font du skateboard, et ben on y était avec ce morceau des Paper Kites, c'est encore une nouveauté dans The Rock, ça s'appelait Black and Thunder. Sur l'intro, on aurait presque pu croire à un morceau des années 70 du côté du Fleetwood Mac, et puis juste avant c'était Brett Denen avec sa balade de Lily and Tress. On va continuer dans les nouveautés avec un morceau de Cutworms. Alors je dois vous avouer que je ne connaissais absolument pas ce groupe avant la semaine dernière, mais le morceau m'est tombé dans l'oreille, il n'en est plus ressorti de la semaine, donc je le ressors par l'oreille droite et vous le mets dans la gauche. Ballad of the Texas King, c'est une nouveauté et c'est Cutworms. Out of the car for you. voices calling the game. I lent them my name with desire to know. How long will you endure if you're all I'm waiting for? Earth and all, love held captive and stone. Heaven, glory, palace, left you calloused and out of control. Voices divide and derange, waves war on the page. Will the wisdom be slow? Dans On The Rocks, c'est une belle, c'était Angelo De Augustine qu'on s'était déjà passé dans On The Rocks avec Memory Palace, et juste avant c'était Cutworms avec Ballad of the Texas King, un morceau qui moi me donne envie de faire du vélo à la nuit tombée comme ça, ou le voilà, avec la lumière rasante et la chaleur. Je vous conseille ce morceau de Cutworms pour se faire ce genre de petite balade. Voici quelqu'un qu'on est très heureux, en tout cas je suis très heureux de retrouver aussi. Elle aussi a une voix qu'on reconnaît assez rapidement. Elle s'appelle Angel Olsen. On s'est déjà passé pas mal de morceaux d'Angel Olsen dans On The Rocks, mais elle revient avec le morceau Greenville. Vous remarquez que je ne parle pas beaucoup, parce que la semaine dernière c'était très bavard dans On The Rocks, et là j'ai beaucoup de nouveautés à vous faire découvrir, donc je préfère vous lâcher la grappe et vous laisser vous envelopper de musique. Angel Olsen, Greenville, et ça doit pas déplaire à Fafa qui trouve que souvent, sûrement je la ramène un peu trop, hein Fafa. Oui, oh, je sais, oh, ça va. Angel Olsen, Greenville, c'est une nouveauté, c'est dans On The Rocks, et c'est maintenant. Don't see you again, or hold your hand, cause you don't really love me, you're not my man, you're not my man. Oh, you're not my man. Go back to Greenville, just gone back to Greenville. You scream at your child and you make a scene. When you open your mouth, you never say what you mean. Say what you mean. Oh, say what you mean. Go back to Greenville. just gone back to Greenville. I still love you. Parle des voix qu'on reconnaît immédiatement. Celle-là, vous n'allez pas me dire. C'est Ray La Montagne. Alors, je vous avais dit, hein, ce soir, c'est tranquille dans The Rocks. On mettra des Larsen la semaine prochaine. Mais là, j'avais envie un peu de cool dans ce monde de fou. Voici le nouveau morceau donc de Ray La Montagne. Ça s'appelle Broken Sky. Et puis, juste avant, c'était Angel Olsen avec Greenville. Bon, lui, je ne vais même pas vous le présenter. Normalement, vous allez reconnaître la voix dès les premières mesures. C'est tiré de son dernier album, qui est son meilleur album depuis bien longtemps. Il avait sorti un album instrumental qui était très bien. Mais sinon, ses albums chantés étaient inégaux, pas toujours terribles. Celui-là est vraiment bien. Le morceau, ça s'appelle Masterpiece. C'est un morceau que j'ai dédié à l'abeille qui volait autour de moi. Could paint the sun and the moon and the stars straight down from the sky. Carve your likeness in stone down to the light that shines in your eyes. Build a church in your honor, stained glass windows facing east, loving you, loving you is my masterpiece. Love you for who you are, I love you for who you may never be. From downtown all the way up to 142nd Street. And all of my possessions mean less than the very least. Loving you, loving you is my masterpiece. Nobody owes me nothing in return. There's not a thing this place has given me. Didn't take a broken heart to earn. I need to go where I can find some peace, far from the chaos in my mind. Don't want to wait another lonely day. In my soul I do believe it's time. I'm going back to the river, back where the water's clean, back to that bygone dream. I hear the chatter going round the town. Hear people saying I'm insane. I just wanna let those waters cover me until my body feels no pain. I've made my way along the crooked path. Now I got nothing left to fear. Feel like I'm turning into something new. The river's telling me my time is near. I'm going back to the river, back where the water's clean, back to the river, back to that bygone dream. Une voix que j'aime particulièrement et qui n'est pas si connue que ça et que j'essaye à mon petit niveau de faire connaître. C'est celle de John Allen, grand fidèle de ce chanteur, qui vient de sortir un très bel album avec moitié ballade, comme on vient d'écouter, moitié morceau un peu plus péchu avec des cuivres. Ça s'appelle Back to the River. Là, c'était le versant un peu soft. Et puis, juste avant, c'était Ben Harper avec Masterpiece tiré de son dernier album. Évidemment, on va s'enchaîner trois morceaux maintenant dans On the Rocks pour vous envelopper encore davantage s'il était possible. On va commencer avec un groupe qui est un groupe canadien qui a sorti son premier album en 2005 et qui continue leur route et leur petit chemin. Il s'appelle les Currentswell, pardon, et le morceau c'est Long Time Ago. Ensuite, on ira faire un petit tour du côté du siffleur en chef Andrew Bird avec un morceau assez étonnant, assez atmosphérique qui s'appelle Mansay. Et puis on terminera cette trilogie avec Jackson Lundy et son Medicine. Vous en avez pour quasiment 10 minutes de musique qui va vous bercer et vous emmener doucement vers la nuit. I never really thought about the time. The thought of my dead calm was the last thing upon my mind, but that was a long time ago. Now my adolescent ways feel like it was only yesterday. Learning to cast my line right from the riverbed. It feels like yesterday, but it was a long time ago. I said it was a long, long time ago. Now

bien voilà, c'était les trois morceaux enchaînés. Current Swell, Andrew Bird avec son morceau un peu étrange, il ne chante quasiment pas sur le morceau. Et puis Jackson Lundy avec ce Medicine bien sympathique. Vous allez retrouver la Red Arc du sport dans un peu plus de 10 minutes. Mais on va continuer avec un morceau assez cool tiré d'un album qui est sorti d'une dame qui, mine de rien, aura marqué l'histoire du rock et du rock féminin en particulier. Elle s'appelle Chrissy Hynde. Elle a une voix qui n'a absolument pas bougé depuis les années 70. Vous allez la reconnaître immédiatement. Elle fait toujours des albums sous le nom de The Pretenders, même si Pretenders c'est elle. Le line-up original des deux premiers albums qui étaient les plus connus, ils sont tous morts d'overdose quasiment. Donc elle est la dernière survivante et voilà, elle continue son petit bonhomme de chemin avec cet album, avec cette belle pochette de street art avec un petit garçon avec des gants de boxe énormes. Et son album est composé de morceaux assez péchus, assez rentre-dedans, et puis des petites perles où elle se livre, elle se met à nu comme ici avec le deuil, avec le manque, et elle le dit sur ce dernier morceau de l'album. On va se le passer maintenant avec cette voix et ses violons. Ça s'appelle I Think About You Daily, je pense à toi tous les jours. Voici Pretenders, Chrissy Hynde, la grande Chrissy Hynde, toujours debout et toujours avec cette voix inimitable. Prime, lucky dog was I. Everything was going my way. The apple of many's eye. I took my chances and I won. I gambled. Stayed ahead. I never once looked back or had my fortune read. Now I think about you dead, but it only makes me sad. Oh, could take good advice. It was never my cup of tea. I have to live with knowing you never knew how much. Saw you like a rock I couldn't move or touch. Now I think about you day. C'est la très belle voix de Chrissy Hynde pour terminer presque cette émission. Et vous allez retrouver la rédacte du sport et Rémi qui s'est endormi en face dans le studio. Non, il bouge. Non, on est là, on est là. Je le vois, il bouge. Salut Manu. Ça va bien? Ça va et toi? Bon, bah très bien. Tu vas nous causer de quoi ce soir? Bah écoute, on va avoir du rugby évidemment. Oui. Sud de la il paraît qu'il se passe évidemment. Des trucs. Il se passe des trucs. Il y a des matchs qui se jouent un peu partout en France. Oui, ça a été un peu chaud pour les Anglais là. Ça a été chaud hier. Ils s'en sont sortis quand même, malgré tout. Ouais, avec un petit essai casquette, quoi. Ouais, c'est vrai que ça les a bien aidés. Et puis, bah, tout le reste des matchs du week-end, hein, évidemment. Et puis, les Bleus qui reprendront cette semaine pour leur troisième match. Alors, explique-moi, pourquoi ils ont pas fait jouer l'équipe A contre l'Uruguay? Pourquoi donc? Eh ben, pour reposer les cadors. D'accord. Okay. Parce que c'est long, une Coupe du Monde. C'est long. Oui, elle est longue, celle-là. C'est vrai qu'elle est longue. Donc, contre la Namibie, ça va être un peu la même chose, quoi. Il y a des retours de quelques cadres, quand même. Ah. Ouais, cette semaine. Donc, on verra. Tu y seras, toi? Non. Toi, ils t'ont pas rappelé. Non, je serai pas. Non, j'y suis pas, non. Bon. Bah, c'est parti pour la rédaction du sport. Je vous laisse le temps que Rémi s'installe. Je vous laisse avec un petit Radiohead et c'est un collector puisque c'est en concert. Enregistré aux Eurockéennes de Belfort en 1997. Ça n'existe pas, normalement. Donc, ça n'existe que dans On The Rocks. À tout de suite, Rémi. Bonne soirée. This is the final fear.